Le saviez-vous? Les Snapchatters ne sont pas seulement la génération la plus connectée. C'est aussi une génération qui est en train de transformer notre manière de communiquer. Non seulement la génération Snapchat crée des liens plus personnels et plus forts avec les marques, grâce à la vidéo verticale, mais elle utilise également la réalité augmentée pour découvrir et tester de nouveaux produits. Pour aller à la rencontre de cette génération Snapchat et mieux comprendre ses usages, rendez-vous sur snapchat.com/génération. snapchat.com/génération. Présentés comme le programme juif de déstabilisation et de domination du monde, les protocoles des sages de Sion permettent de donner une explication au grand bouleversement du début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Révolution bolchévique, la crise de 1929. Malgré l'évidence de leur caractère frauduleux, deux hommes vont peser de tout leur poids pour diffuser le texte. L'un est le plus grand industriel de son époque. Mr. Henry Ford. Henry Ford. L'autre n'est encore qu'un petit agitateur d'extrême droite. Adolf Hitler. Ils rêvent tous les deux de convaincre les peuples du monde de se débarrasser des juifs. Les protocoles vont les y aider. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Chapitre 2. Un passeport pour le génocide. Pierre-André Taguieff, quel rôle a joué Henry Ford dans la diffusion des protocoles? Dès le printemps 1920 aux États-Unis, l'industriel et milliardaire Henry Ford, antisémite convaincu, décide de financer la diffusion des principaux thèmes d'accusation anti-juifs. Ford s'était vite convaincu de l'authenticité des protocoles depuis que le document lui avait été transmis l'année suivante. De novembre 1920 à mai 1922, Ford publie le recueil en 4 tomes des éditoriaux parus dans son hebdomadaire à fort tirage, disons entre 300 000 et 700 000 exemplaires, The Dearborn Independent, sous le titre générique « The International Jew ». Le tirage du premier volume du Juif international, paru en novembre 1920, est considérable, 500 000 d'exemplaires. On suppose qu'environ 3 millions d'exemplaires furent vendus ou donnés aux bibliothèques des lycées, des villes et des universités. Ford était convaincu de fournir à ses compatriotes les moyens de lutter victorieusement contre le péril juif. Pour convaincre les Américains de l'imminence du péril juif, Ford va être aidé par un précurseur. Prêtre catholique convaincu de l'authenticité des protocoles, le père Kuglin a compris très tôt l'influence politique qu'il pouvait tirer d'un nouveau média de masse, la radio. Il devient le premier télévangéliste de l'histoire. Chaque semaine, 90 millions d'Américains l'écoutent. Dans les années 30, ce prédicateur a beaucoup fait, grâce à ses usages particulièrement démagogiques de la radio, pour accréditer l'idée que les protocoles sont un texte authentique et qu'il faut les prendre au sérieux. Ceux qui contrôlent la Russie ne sont pas des Russes, ce ne sont pas des Slaves. Ceux qui dominent sont des membres de la race juive venue du monde entier. Tous les membres de la presse ou de leur ministère des Affaires étrangères sont juifs. Ceux qui occupent des postes à responsabilité, les chefs de bureau, les chefs des grands trusts, sont pour la plupart des juifs. On peut dire que beaucoup de causeries du père Kuglin ne font que traduire les thèses des protocoles. Henry Ford est à cette époque l'un des hommes les plus riches du monde. Il fait distribuer son livre inspiré des protocoles aux États-Unis, mais il le fait aussi traduire à l'étranger, notamment en Allemagne. Entre 1921 et 1924, la plupart des dirigeants nazis lurent la traduction du Juif international, Hitler et Alfred Rosenberg en tête. Je pense qu'Hitler a beaucoup appris en lisant le Juif international. Extrait du Juif international, 27 août 1921. Imaginons un instant qu'il n'y ait pas de sémites en Europe. Serait-ce alors une si terrible tragédie? Pas vraiment. Ils ont agité les peuples dans tous les pays, les ont incités à la guerre, à la révolution et au communisme. En voilà assez du peuple élu. Un jour, ils rencontreront ce qu'ils ont semé. Fin 1933, cette traduction allemande en était à sa 29e édition, c'est dire le succès du Juif international dans l'Allemagne nazie. Hitler se vantait également du soutien financier que Ford lui aurait accordé. Il ne faut pas sous-estimer l'influence qu'a eu Ford sur les débuts du nazisme par sa célébrité, ses succès. Il a légitimé l'antisémitisme. L'influence de Ford sur Hitler a été réelle, mais celui-ci était déjà imprégné d'une paranoïa conspirationniste. Le délire conspirationniste ou complotiste chez Hitler est indissociable de sa vision apocalyptique du combat final contre l'ennemi diabolique incarné par les Juifs. Et cet ennemi traverse les siècles. Il représente une puissance cachée qui agit derrière les événements visibles. C'est une petite clique internationale, sans racines, qui monte les gens les uns contre les autres, qui ne veut pas qu'ils aient la paix. Adolf Hitler. Ce sont les gens qui sont chez eux à la fois, nulle part et partout, qui n'ont pas de sol sur lequel ils ont grandi, mais qui vivent à Berlin aujourd'hui, à Bruxelles demain, à Paris le lendemain, et puis à Vienne ou à Londres, et qui se sentent chez eux partout, les Juifs. Pierre-André Taguieff, Hitler est loin d'être isolé dans l'Allemagne de l'époque où on cherche des responsables à la défaite de 1918 et à la crise économique de l'après-guerre. Le choc de la défaite allemande, qui est jugé incompréhensible par beaucoup d'Allemands, a préparé les esprits à la croyance que les Juifs avaient joué un rôle majeur dans cette défaite humiliante. Les protocoles étaient censés expliquer à la fois tous les malheurs de la Russie et tous les malheurs de l'Allemagne trahis de l'intérieur par les Juifs au profit de ses ennemis. Ils ont violé la culture allemande. Ils ont dénaturé la science au sein des universités. Ils ont vampirisé la presse allemande. Ils ont détruit le système juridique allemand. Ils ont empoisonné l'esprit de l'industrie allemande. Ils ont exploité les paysans et les ouvriers et détruit le commerce allemand. Sait-on quand Hitler a lu les protocoles ? Hitler, lorsqu'il découvre les protocoles dans les mois qui suivent la première traduction allemande du show, est convaincu qu'il s'agit d'un texte qui révèle le programme secret des hauts dirigeants juifs. Mais surtout, la lecture du show lui donne un modèle d'interprétation de la révolution bolchevique. Il ne mentionne pour la première fois les protocoles que dans les notes préparatoires de son intervention lors d'une réunion tenue à Munich le 12 août 1921, dans laquelle il dénonce la juiverie mondiale et le bolchevisme. Hitler croit-il en leur authenticité ? Il faut se rapporter aux 18 lignes consacrées dans le premier tome de 1925 de Mein Kampf, 18 lignes consacrées au protocole qui constitue un résumé des arguments fallacieux avancés par les défenseurs de l'authenticité du document. Les protocoles des sages de Sion, Adolf Hitler, que les Juifs exècrent avec ténacité, Mein Kampf, montrent avec une certitude incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. Ce sont des faux, braille en gémissant la Gazette de Francfort chaque semaine, et elle cherche à en persuader l'univers. Et c'est là la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. À la suite de Ford, Hitler va dans le document supposé révélateur une arme idéologique décisive contre les Juifs. La grande époque ne fait que commencer, Adolf Hitler. L'Allemagne s'est réveillée. Nous avons gagné le pouvoir en Allemagne. Maintenant, nous devons gagner le peuple allemand. Pour gagner le peuple allemand, Hitler est aidé par son chef de la propagande, Joseph Goebbels. Alors, sur les protocoles, la position de Goebbels a évolué. Goebbels est un intellectuel, il a soutenu une thèse de littérature, etc. Et dans son journal, le 10 avril 1924, dans sa genèse donc, il se montre plutôt dubitatif sur les protocoles. Je crois que les protocoles des sages de Sion sont un faux. Non que la conception du monde qui s'y exprime, Joseph Goebbels, journal, où les aspirations des Juifs me paraissent trop utopiques ou fantaisistes, mais parce que je tiens que les Juifs ne sont pas si monstrueusement stupides au point de ne pas avoir compris l'importance du secret pour des résolutions de cette gravité. Oui, donc Goebbels prend ses distances à l'égard du texte. Mais deux décennies plus tard, les positions de Goebbels ont changé. Le 13 mai 1943, donc en pleine guerre, Goebbels offre un saisissant résumé de la doctrine anti-juive du premier cercle hitlérien. J'étudie encore une fois à fond les protocoles sionistes. Joseph Goebbels. Jusqu'ici, on m'a toujours objecté qu'ils n'étaient pas utilisables pour notre propagande actuelle. Journal. Je constate, en les lisant, que nous pouvons parfaitement en tirer parti. J'en ai parlé à midi au Führer. Il estime que les protocoles sionistes peuvent être considérés comme absolument authentiques. En 1933, après l'humiliation due à la défaite de 1918, effet supposé du coup de poignard dans le dos, venait le temps de la revanche et de la vengeance. La prise du pouvoir par les nazis rendait possible ce règlement de compte, pour employer une expression chère à Hitler. Et si les journaux juifs, Joseph Goebbels, croient aujourd'hui qu'ils peuvent intimider le mouvement national-socialiste par des menaces voilées, ils devraient faire attention. Un jour, notre patience s'épuisera. Et alors, on fermera la gueule effrontée et menteuse des juifs. Pour préparer le terrain à ce règlement de compte envers les juifs, Goebbels va s'emparer des protocoles. Peu à peu, ils arment les esprits. Dès le début des années 20, jusqu'à la prise du pouvoir en 1933, les nazis diffusent les protocoles. Après la prise du pouvoir, la diffusion mondiale des protocoles et des textes de propagande dérivés du show, comme le juif international, devient la grande spécialité du Wehrdienst, ou service mondial, organisation spécialisée dans la propagande anti-juive internationale. Au début du XXe siècle, les Juifs sont présents à tous les points de convergence du marché monétaire mondial. Ils sont une puissance internationale. Le Juif éternel. Bien qu'ils ne représentent que 1% de la population mondiale, leur capital leur permet de terroriser les échanges mondiaux, l'opinion mondiale et la politique mondiale. Les nazis ne se contentent pas de distribuer le texte des protocoles. Pour répandre la peur du péril juif, ils vont utiliser tous les supports à leur disposition. Oui, évidemment, il faut tenir compte, outre la propagande par les textes, la propagande par le cinéma, à laquelle attachait beaucoup d'importance Goebbels. Et bon, un certain nombre de films utilisent la thématique des protocoles pour désigner les juifs comme une menace. Les juifs sont bannis de tout le Württemberg. Voilà ce qui a été décrété à Stuttgart ce 24 février 1738. Le juif Zeus. Puissent nos descendants respecter fermement cette loi, en se préservant ainsi des souffrances, en sauvant leurs biens et leurs vies, et les sangs de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Il faut noter un paradoxe. Au travers des protocoles, les nazis accusent les juifs de préparer l'état totalitaire et sanguinaire qu'ils sont eux-mêmes en train d'instaurer en Allemagne. D'ailleurs, dans la propagande anti-nazi, le thème est apparu à partir de 1933. Un pamphlet anti-nazi portait le titre « Hitler élève des sages de Sion ». Et de fait, certains dirigeants nazis se servent des protocoles comme d'un manuel politique dont il faudrait imiter les recettes. Theodor Fritsch, le chef de l'antisémitisme allemand, dans la postface de son édition des protocoles, en recommandait la lecture de cette manière. Nos futurs hommes d'État et diplomates devront apprendre des experts orientaux en infamie jusqu'à l'ABC du gouvernement. Et pour ce faire, les protocoles sionistes offrent un excellent enseignement préparatoire. Oui. Donc Theodor Fritsch appelle à lire les protocoles sionistes pour pouvoir lutter contre les juifs. Ce qui est retenu des protocoles, en fait, c'est le retour systématique aux stratégies cyniques dans la recherche, puis dans l'exercice du pouvoir. L'Allemagne, Joseph Goebbels, n'a pas l'intention de se plier à cette menace juive. Elle prend des mesures contre elle en procédant à une exclusion radicale des juifs. Tout au long des années 30, les nazis utilisent les protocoles pour se présenter comme des victimes des juifs. Quel lien faites-vous entre les protocoles et la Shoah ? L'argument de la légitime défense est fondamental dans l'argumentation anti-juive de type exterminationniste. C'est l'alternative eux ou nous. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de troisième voie, c'est leur destruction ou la nôtre. Si jamais les juifs de la finance internationale, Adolf Hitler, en Europe et ailleurs, 30 janvier 1939, arrivent à pousser les peuples dans une autre guerre mondiale, le résultat ne sera pas la victoire de la juiverie, mais la destruction de la race juive en Europe. On peut affirmer, en juger par ses usages nazis, que le faux a constitué un permis d'extermination, un mandat ou un passeport pour un génocide. Inspiré entre autres par les protocoles, le fantasme complotiste d'un péril juif menaçant le monde débouche sur l'assassinat de 6 millions de personnes. Pourtant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la carrière des protocoles est encore loin d'être terminée. Mécanique du complotisme. Les protocoles des sages de Sion. Un podcast de Roman Bronstein et Alexandre Manzanares.